Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Ces Italiens, ils connaissent la musique, hein?

Applauso, veramente. Quand je vous disais qu'ils sont bons, je ne vous ai pas menti. Thank you. lundi de 9h30 au samedi 10h pour nous joindre, un numéro de téléphone, le 04 50 56 01 48. Si absent, laissez un message. Quel que soit le temps, il fait toujours bon sur le 91 et sur le 102.5 de Sorgia FM. Quel que soit le temps, restez avec nous, parce que avec nous, c'est savoir vous amuser. Parce que ensemble, on est bien, et quand on est bien, il n'y a rien de mieux. Thank you. C'est un beau voyage dont nous profitons aujourd'hui et c'est sur Sorgue FM le dimanche et le mardi. Pour aujourd'hui, le musette, c'est fini.